Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons et à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Freddy. Comment ça va? Ça va et toi? Ben, plutôt bien. Yeah, I'm good. Yeah. You know, weather is nice and patios are open. And we're in the studio. Yeah, so just before I came tonight, my girlfriend was looking at like a list of the patio, you know, and I told her every spring they are doing, I mean, every like news outlet is doing a special, you know, where to go and things like that. Mm-hmm. So she said, like, oh, and I said, like, I'm sure you're going to find like some of the staples like Jack's Cafe or Mosca on the Hill or things like that. So, and sure enough, they were there. Yeah, of course. But yeah, pretty good. So, did you have a good Mother's Day with your wife, with your American wife? Yeah, no, that was nice. And I always have to remember to buy at that point a Mother's Day card for my mom. Yes. Because if I wait a little longer, because in France it's the last Sunday in May, well, you won't find any cards anymore. I got toast one year. Yeah. I had to buy like a blank card. Yeah. I mean, the card had something on it, and I say Happy Mother's Day in French, but... yeah, we don't do cards anymore. I'm sure your mom is butting your butt, is kicking your butt if you don't do it. But no, but she likes getting a card. Yeah. So maybe I'll do it. We'll see. It's kind of hard to get it right, you know, with the postal services and stuff. But yeah, so, well, because last Sunday was Mother's Day and last week we didn't do anything about it, and in 2 weeks, 2-3 weeks is going to be Mother's Day in France. Yeah. Tonight is a special Mother's Day, so that's what the song's all about. And I didn't see your playlist, but did you put the new Luan's song? I have one about Maman. Yeah, because she wrote one 10 years ago, and the new one that she will be singing at the Eurovision is also Maman. No, but it's the new I don't one. Have this one. Yeah, no, I don't have this one. And well, maybe we can play it next time. I just because plus it will be the Eurovision, and she's pretty high in the you know among the bookmakers. Yeah, but I'm boycotting the Eurovision because of the country that's not part of Europe anyway, and it's not Australia because I don't boycott Australia, but. So, yeah, I didn't really get that interested. And I looked at last year. I found out that in 2023, we didn't do a special show for Mother's Day. But so I made sure that at least I didn't play the ones from last year again or the one from 2 years ago. Not systematically. I mean, there's some crossover. But Luan had been played in these 2 years, so that's but the latest one, you know, and she sang it. Yeah. I think the first time she sang it was at a, I think at rugby finals or like in the, you know, like the Six Nations. Yes, during the halftime thing, and apparently, and I don't necessarily follow much what's going on with the Eurovision, but a friend of mine does, and he said that she's pretty high in the bookmaker stuff. Yeah, yeah. Well, so I'm not spending any money on it, so no, I'm not but as much. And you know, there was a lot of politics, and so. I, you know, what her chances are, I don't know. But, we'll see. Yeah. All right. Well, we're going to start with three songs. Ben oui. The first song is from an album that I got a long time ago, and he was scratched, and I didn't play much of it. It's the Le Soldat Rose, the Big Soldier. Bien sûr. And so some songs were... M. M is part of it. There's also Vanessa Paradis. No, but who Cabrera. Wrote it? M might have wrote part of it. I don't know for sure. I know it was interpreting, but... And on that specific song, I don't even have the artist singing it. So we'll see who does it, because I just have Le Soldat Rose or The Pink Soldier. The first song we're going to listen to is Un Papa, Une Maman, A Dad and a Mom. Mm-hmm. And it's very nice to be cuddled. Then we're going to listen to Clara Luciani with Ma Mère or My Mom. And then a band that I knew nothing about until Emily in Paris' soundtrack. It's Bandit Voyage. Yep, the name of the song is Ma Mère. So that's pretty good. And yeah, I thought it was going to be nice. And we'll keep going with different songs from about moms. Good. In general. Yeah. All right. Eh bien, c'est parti. On y va. Changer les étiquettes, ça bien sûr je sais faire. Mais pour que toi tu restes, c'est une toute autre affaire. Et moi je mélange les formules et je perds la mémoire. J'ai découvert le pull en cherchant l'arrosoir. Mais là je n'ai rien inventé, c'est quelque chose que tout le monde sait. Il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être dans les bras de ses parents. Il n'y a pas plus réconfortant qu'un papa, une maman. Dès que l'on a cousu des yeux sur mon visage, le malheur je l'ai vu et il avait ton âge. Il se traîne, il dandine mon vieux train électrique, mais au rayon blue jean, j'ai croisé l'Amérique. Et la statue de la liberté, sais-tu ce qu'elle m'a soufflé? Il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être dans les bras de ses parents. Il n'y a pas plus réconfortant qu'un papa, une maman. Tu ne peux pas rester parole de peluche, vouloir être un jouet, ce serait peine perduche. Et pour la première fois au monde, on est tous sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être dans les bras de ses parents. Il n'y a pas plus réconfortant qu'un papa, une maman. Elle est un peu sorcière, elle a reçu des charmes héréditaires du jet sous la paupière. Ma mère, elle est inconsolable, d'une tristesse ancestrale inexplicable, une parure qui l'accable. Ma mère, et ton tic. Toi seul sais ce qu'il cache de cryptique. J'ai mimé ta musique, ma mère. Mon sang fait son chemin. Il porte ton histoire, il s'en souvient. Puissant comme le vin, ma mère. Mais de mère en fille, de fille en aiguille, on se repent, on se reprise. Finalement, je t'ai comprise. Ah, de mère en fille, de fille en aiguille, on se repent, on se reprise. Finalement, je t'ai. Finalement, je t'aime. Et voilà, voilà. Voilà, we are back. Indeed. Yeah, your special Mother's Day. Yes, on Bonjour Minnesota on KFAI. It is 8:17. Yes. So what did we listen to, Freddie? Well, the first song was from a song by Louis Chédid, but also song by other people. So you name them. There was Vanessa Paradis, Benabar. San Severino, Jeanne Chéral. Yes. And it was called Un Papa, Une Maman. Mm-hmm. It's so much better to cuddle. Bien sûr. Yeah. And then Clara Luciani was after with Ma Mère from her album, her 2024 album, mm-hmm. Mon Sang, My Blood. And just now was Bon Dix Voyage with Ma Mère. And I discovered it in Emily in Paris' soundtrack. It was good. I liked it. Mm-hmm. And we're going to keep on going. A little bit later, we'll talk about the events. Of course. And we can mention now also that on last Friday, we had an interview with a French artist called Aimé Simone. Yeah, Aimé Simone. And we had a good half hour, 25 minutes. That was very nice. Very nice, very enjoyable. So it's recorded and we'll play it. The interview is in English. Aimé Simone is up and going. He got like Victoire de la Musique for Meilleur Espoir. He was nominated. I don't think he won it. Oh, he won? Yeah. And some of his songs had a lot of success. So they are mainly in English, but we'll still play some. We'll make some exceptions, but at some point when the interview is curated, we'll play it. Now we're going to move on to songs about mom again, but Le Vent du Nord. So for those who follow us, Le Vent du Nord might sound a little bit familiar. They are from Quebec, Montreal for the most part, and they came to the Cedar Cultural Center several times. Like maybe 10 in 10 years. And the name of the song is Le Cœur de ma mère, The Heart of My Mom, or My Mom's Heart. Then we're going to listen to a classic called La Mère Michel, but it's like a kind of like a karaoke version. It's a little bit more modern version. It's not like it's not sung by like a elementary school. And then we're going to listen to a song from Renaud called La Mère à Titi. So Titi is a nickname, a friendly nickname, and it's his mom and, her apartment, her life, and things like that. So it's a very nice description. Luan, that we just talked about, also made a cover of this song in one of her albums, but we played it from her like 3 years ago, so her version. So it was a time for Renaud. All right, on y va. C'est parti. Le cœur de ta mère pour mon chien. Ta mère pour mon chien. Il va chez sa mère et puis la tue. Et l'on l'enlève, et l'on l'enlève. Il va chez sa mère et puis la tue. Lui prie le cœur, lui prie le cœur. Il courait, il tomba, et l'on l'enlève. est en pleurant. Et l'on l'enlève, et l'on l'enlève. Et le cœur disait en pleurant. Et tu fais mal, et tu fais mal. Et tu fais mal à mon enfant. Et tu fais mal, et tu fais mal. Et tu fais mal à mon enfant. Et tu fais mal à mon enfant. Yam dam tere de la di la lim de dam dam da di la. La mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-déridera, et tra-la-la. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-déridera, et tra-la-la. C'est la mère Michel qui lui a demandé. Mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé. C'est la mère Michel qui lui a demandé. Mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé. C'est le père Lustucru qui lui a répondu. Donnez une récompense, il vous sera rendu. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-déridera et tra-la-la. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, et la mère Michel lui dit c'est décidé. Si vous me rendez mon chat, vous aurez un baiser. Et la mère Michel lui dit c'est décidé. Si vous me rendez mon chat, vous aurez un baiser. Et le père Lustucru, qui n'en a pas voulu, lui dit pour un lapin, votre chat est vendu. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-déridera et tra-la-la. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la,

Et voilà. Yes, we're back. Yes, and we, so it is still Bonjour Minnesota on KFAI at 8:33 with Freddy and me, Romain. And we, yeah. I was not speaking up fast enough. I know, yeah, well, you have to boom, boom, boom. I was a little bit distracted. Yeah, and we just listened to three more songs about moms. Yes. So the first song we listened to of that series was Le Cœur de ma mère from Le Vent du Nord. Then Steffi with La Mère Michel, which is a classic kid song. And Renaud with La Mère à Titi. And yeah, I mean, because it's from like a compilation, you know, like a best of, I don't remember. But I think it's part of the Putain de Camion album, like from the mid to late 80s. So the one where... Coluche died. I mean, it was like a tribute to Coluche, at least. The Putain de Camion. That's that song, yeah. So we're going to keep on going. Oui. Just a reminder, we'll talk about the events a little bit later, but in June, there's going to be Café Accordéon Orchestra at the Dakota, and we're going to have tickets for it. But we'll wait to be a little bit closer to the date, like maybe a week or two before that. We're going to listen to three more songs, one from Linda Lemay from Quebec. And it's Une Mère, or a mom, and it's the symphonic version. Then we're going to listen to Belle Duberry and David Lewis. And they were the two, I mean, she was the singer of Paris Combo, and he was the trumpet player, still is. I think they tour, but not as extensively of course, as they were. And do they have someone who sings? Yeah. I mean, they did for the tribute that I attended, but I think when they've been doing performance after that, they've been having like someone singing. And so we're going to listen to Fille des Mères, or the ladies from moms. It's a play on words because it's a play on word between mère and mère and between mom and the sea because it's the same sound. Yeah. It doesn't spell the same, but... Yeah. And then Alma Dili with Ta Mère et Nous, Your Mom and I. And it's celebrating the moms, but in this case, the mom is a little bit heavy. I mean, heavy, not a dance, I should say. Yeah. She's really protective and she doesn't want to leave them alone. And he really wants to be by himself with her daughter. And Alma Dili is the band where... Johnny Montreuil is playing the bass. He's just playing the bass. He's not singing, but it's pretty nice. It's much more, the band is much more like Balkan and North African kind of feel. So. OK. All right. Eh bien, c'est parti. Ah, bah oui. Bah oui. Tu nous en as donné l'eau à la bouche. Ah, bah oui. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige, une mère. À un moment, ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche, ça pleure. Et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh, bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre. Et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque, toute seule, ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entrouvre. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. Une mère. Les pieds sur terre, en état de pesanteur, massivement en route pour le bonheur, pesant de tout son poids sur nos têtes légères, l'idée que l'on se doit de rester terre à terre, quand bien souvent les filles de mer sont appelées des sirènes, toutes en pleurs. Colère, elles chantent pour ceux qu'elles aiment. Courbant l'échine, la tête pleine de boue, on s'imagine, on rêve et puis on s'endort debout. Toujours sur mode veille, la chandelle par les debout. Brûlera sans passion nos péchés mignons jusqu'au trognon, quand bien souvent les filles de mer sont appelées des sirènes, toutes en pleurs ou en colère, elles chantent pour ceux qu'elles aiment. Contre joue à des jeux imbéciles sans principe et sans pudeur, des demi-dieux frères. fragile en route pour le bonheur. Quand bien souvent les filles de mer sont appelées des sirènes, toutes en pleurs ou en colère, au fond d'elles-mêmes nous entraînent. Personne voulait de nous, tu étais si jolie, je me sentais tout petit. On s'est embrassé et tout était permis. Tu m'as promis que demain je te verrai. Tu n'as pas dit que ta mère t'accompagnait. D'où est ta mère derrière? Elle me met trop la pression, de Barbès jusqu'à Nation. D'où est ta mère aux fesses? Je la vois même dans ton lit ou à notre voyage de noces. On a dîné ou dansé ou se faire un petit ciné, ta mère sera toujours là pour me fliquer. Ouais, ouais. J'en ai ma claque de ce cloaque, mais je lâche pas l'affaire. D'où est ta mère derrière? Io mamma t'es tout. J'ai prié Saint Gennaro pour que je puisse être seul avec toi. Mes voeux sont exaucés, ta mère est alitée, mais ton dernier soupir t'a demandé d'approcher. Ma chérie, je dois rester couché. Si ta petite sœur qui va t'accompagner. D'où est ta sœur au bar? Elle me lâche pas les baskets. Tu veux une glace ou un coca? Celui qui coûte le plus. Elle me pose plein de questions et m'empêche de te blotter. Qu'on soit collé ou serré, à parler, à rigoler, ta petite sœur sera toujours là pour te cafeter. Ouais, ouais. Sans la chignate, mais je pose un date. Non dracisco più. Io sarà tête. Nous et ta mère derrière. Nous et ta mère et ta sœur et ton père, ton grand-père, ta tata, ton tonton, ta grand-mère, ton cousin, ta cousine, ton cabot, ton chaton, tes copains, tes voisins, ton médecin, tes frangins, tes frangines, tout le quartier. Et même Pino, et Johnny, et Benny, et Frankie, Clément, Camille, Chichi, Grishka, et Chico, et Giorgio, Gordana, Caprilo, Pamela, Chiquita, Carlota, Kellana. KFAI is proud to present the Garage Sale Circuit Tour. Your neighbors are partnering with KFAI to host garage sales every weekend throughout the summer, with locations all over the Twin Cities. Swing by a garage sale in your neighborhood and you can score that perfect vintage item while you support community radio. Visit kfai.org/garagesale for details. Et voilà. Voilà. It's 8:48 and we listen to three more songs about moms. Yes, because we are celebrating moms tonight because it was Sunday and it's going to be Sunday, May 25th in France. So we just listened to Linda Lemay with Une Mère, version symphonique, a mom. Then Belle Duberry et David Lewis with Fille de Mère. And then Alma Dili with Ta Mère et Nous, Your Mom and Us. Mm-hmm. And it's from their 2017 Pour une poignée de dinars. And we're going to keep on going until they kick us out. Oui. Like, jusqu'à pas d'heure. Jusqu'à pas d'heure. Around 10-ish for Balkan Jamboree. So we're going to listen to three songs still about moms. Nino Ferrer is going to be the first one with Oui, mais ta mère n'est pas d'accord. Non. Yes, elle but d'accord. Your mom doesn't agree. Mm. Then Régine with Une mère, or mom. And Cali with Une maman. Très bien. A mom. Eh bien, c'est parti. On y va? Oui. C'est moi qu'on appelle Don Juan, du côté d'Aubervilliers. Je suis jeune et bien portant, je séduis sans difficulté. Mais depuis que je t'ai vu, je suis l'arroseur arrosé. J'ai beau râler, j'ai beau faire l'hypocrite, il ne reste que l'assassinat. Oui, mais ta mère, elle n'est pas d'accord, elle ne mange pas de ce pain-là. Je suis un Don Juan malade, fidèle et très fatigué. La fidélité, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Je t'épouse pour te séduire, mais je voudrais bien continuer ma carrière de séducteur dans les environs d'Aubervilliers. Oui, mais ta mère, elle n'est pas d'accord. Ce pain-là. Et quand ta mère elle n'est pas d'accord, on a qu'à se faire plus grande sur le plat. J'ai beau râler, j'ai beau faire l'hypocrite, il ne me reste que l'assassinat. Oui, mais ta mère elle n'est pas d'accord, elle ne mange pas de ce pain-là. Oui, mais ta mère elle n'est pas d'accord, elle ne mange pas de ce pain-là. Oui, mais ta À chaque fois que je dis que je t'aime, j'ai l'impression que ça te gêne. À chaque fois, je suis là quand même pour consoler tes pleurs, tes peines. Je pense à toi tous les jours. Tu es mon bel, mon grand amour. Tu sais, ces 9 mois passés avec toi, 10 ans après, ça ne s'oublie pas. Tu sais, mon fils, que ça te plaise ou pas, une mère s'est fait comme ça. À chaque fois que tu m'appelles, je suis aussi fier que la tour Eiffel. À chaque fois que tu me réveilles, c'est pas gênant pour mon sommeil. Je pense à toi tous les jours. Tu es mon bel, mon grand amour. Tu sais, ces 9 mois passés avec toi, 20 ans après, ça ne s'oublie pas. Tu sais, mon fils, que ça te plaise ou pas, une mère s'est fait comme ça. À chaque fois qu'on te fait souffrir, j'aurais envie de les voir mourir. À chaque fois que tu me fais sourire, c'est le monde entier qui éclate de rire. Je pense à toi tous les jours. Tu es mon bel, mon grand amour. Tu sais, ces 9 mois passés avec toi, 30 ans après, ça ne s'oublie pas. Tu sais, mon fils, que ça te plaise ou pas, une mère s'est fait comme ça. Tu sais, mon fils, que ça te plaise ou pas, une mère s'est fait comme ça. Je voudrais entendre ces mots, mon amour, je t'aime. Je voudrais sentir ta peau sur la mienne. Je voudrais m'agripper à tes doigts du matin, mes yeux fermés, noyés dans le doux de tes mains. Je voudrais que tu m'aides à m'habiller. Je traîne comme toujours, il faut se dépêcher. Je tends mon pied, tu chausses mon soulier. Le chocolat, les moufles, l'écharpe et le bonnet. La lumière de décembre ne s'est pas réveillée. Et Noël tout au bout, je pourrais le toucher. Je voudrais remonter la rue près de toi jusqu'à l'école. Tu seras ma reine, je serai ton petit roi. Alors j'attendrai ton baiser sur mes yeux, devant la grille haute comme un grand feu. La lumière de décembre qui ne veut pas se montrer. Et Noël tout au bout, je pourrai le toucher. La pluie aura cessé, elle sera tombée tous ces jours. Elle aura laissé ses yeux dans les nids de la cour. Alors on se rangera muet devant la maîtresse au pas. Bien sûr la maîtresse m'est tout mouillé, je ne pense qu'à toi. J'ai gardé sur moi ton odeur de lilas, ma petite maman. C'est pour toi que j'apprends à écrire comme un grand, une lettre à la fois, un mot, puis le suivant. Une lettre à la fois, un mot, puis le suivant. La lumière de décembre qui ne veut plus se montrer. et Noël tout au bout. Je pourrais le toucher, je regarderai au loin l'horizon par la grande fenêtre de la classe, là-bas notre maison, et les rideaux baissés comme s'ils disaient pardon. Je te sais, la maman qui m'attend, et c'est bon, la lumière de décembre a trop peur d'être aimée. Et Noël tout au bout, je pourrais le toucher. Ce soir tu ôteras mes chaussettes gelées. Ton souffle comme un feu réchauffera mes pieds. La lumière de décembre n'est plus avant d'avoir été. Et Noël qui arrive, je pourrais le toucher. Tu-tu-tu-tu-tu. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur KFAI.org, l'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. But we are also on social media, so Instagram and Facebook. MySpace? No. Les Arènes de Lutèce also. Arenas, like with... No, we're not there. And we're going to talk a little bit about the events. Of course, I didn't get ready when I shouldn't. When I should have, I should have said. But there's quite a few this week, but not that many. All right, so we are getting there. Bonjour, Minnesota. So all the events that I'm going to talk about are listed on our Facebook page. We share them, but they still belong to the people organizing them, which means that if they cancel, change the time, change the location, it's still there. I mean, you know, it follows, it's synced. All right, so the first event we're going to talk about is tomorrow. It's Les Navigateurs de la Littérature, and it's an online book club organized by the Alliance Française, so May 14th, and it's between 7 p.m. and 8 p.m. Central Time. And you can go to afmsp.org to get the link, or you can go to the Facebook page, and either ours or the one from the Alliance Française, Minneapolis Saint-Paul, and get the link. There's an extranet link, and you can know where to go at what time. Then Apéritif en Français is going to be Thursday between 6 and 7.30, May 15th. And it's a French conversation group. And the difference is it's happening at the University Club of St. Paul. It's at it's located at 420 Summit Avenue in St. Paul, close to Ramsey Street, not very far from the cathedral. And it's a very nice setting to meet people and chat, and it's very, very casual. Then we talked a little bit about it next last week, and I'm going to talk about it again. There's a play at the E.M. Pearson Theater, and it's An American in Paris. And it's the this ballet is inspired by the musical starring Gene Kelly and set to memorable George Gershwin melodies, such as I Got a Rhythm. And so the E.M. Pearson Theater is located at 312 Hamlin Avenue North in St. Paul, Minnesota. So it's, pretty cool. Yeah. It's actually, it's south of 94. I thought it was going to be north, but no. Yeah, it's by Concordia, like... Oh, yeah. Mm-hmm. Yeah, between 94 and, you know, Marshall. Yeah. So that's pretty cool. And what else is there? I got to talk about that, because if you have kids, especially teens, on Saturday between 2:30 and 3:30, so Saturday the 17th... Sold out. Is it? Mm-hmm. Teens at the museum? Yeah. Oh. What's her name? Berthe Morisot? Yes. Yeah, it's sold out. Yeah, I meet the work of painter Berthe Morisot and friends impressionist, mm-hmm. and it's at the MIA. And you can go to the afmsp.org or call them and see if there's still room. I mean, it's sold out now, but like, what if tomorrow someone calls saying I can't make it? Yeah. Mm-hmm. Well, I never know. But it's organized by the Alliance Française, so afmsp.org, yeah. If you have a teen. But it's, my daughter's going, and she went to the last one, and that was really cool. Really cool. I was going to say really good and really cool at the same time, so it was really cool. It's like an hour long, and the guys really know what they're talking about, and that's really a fun event. Yeah. Well, yeah, and for the teens, it's always mm-hmm. free. So, I mean, that's one of the things that's very appealing, too. Yeah. But there's so much space that they have. Something that has nothing to do with French, but it has something to do with KFAI on Sunday between 12 a.m. and 12 p.m. It's going to be 24 hours of metal meltdown. So that should be from 12 a.m. to 11:59 p.m. That is correct. Because otherwise that's 12 hours and not 24. Yeah, no, it's 24. It's the seventh annual tribute to Earl Root. So mm-hmm. There's at least two or three shows of metal on KFAI, mm-hmm. and they kind of group everybody and do a 24 hours fundraising. So... this is one of the KFI events. On Sunday, between 12 and 5 p.m., there's also going to be like a 2025 Stillwater Historic House Tour. And it's organized by the Washington County Historical Society, which is connected to, mm-hmm. you know, Little Canada and Ramsey County Historical Society. So that's always fun to do. And you can go to their Facebook page. Or our Facebook page and get more information about the event. And then on Wednesday, there's going to be Bord de Seine, Rencontre avec Vinora Epp. And it's going to be in French. And Bord de Seine, it's like the edge of the Seine, or like in Seine, like the... The Seine. Yeah, and it's a play on word with mm-hmm. the Seine, because the Seine River in Paris, you know, you can be mm-hmm. by the edge as well, so... it's another play on word, and Paris-based theater artist Vinora Epp grew up in Minneapolis and is returning home this spring with her directorial debut, Orlando, a Rhapsody. Ahead of the premiere of her show, she'll be there for a conversation on her new play, her acting and directing. So I think it's going to be very interesting to see someone who grew up here and, you know, spend a lot of time over there and mm-hmm. get their take on it. Yeah. And that's all for the events. Super. Yeah. Yeah, that's quite a few. Quite a few. And it's nice out, so you can go out and walk. We're going to listen to three songs, mm-hmm. still about moms, because we're still celebrating Mother's Day. Albin de la Simone, ah, oui. With Ta Mère et Moi, Your Mom and Me. Then Pierre de Maher with Ta Mère est folle, mm-hmm. Your Mom is crazy. And France Gall with Si Maman Si. Ah, j'adore. C'est parti. We're going to play an announcement first and then the music. What's better than a release show and tour homecoming? A double release show and tour homecoming. KFAI brings you Ani XO and Kiernan live at the Fine Line, Friday, May 23rd. Ani XO is set to release their first EP, What's Become of Us. And, following the success of their first EP, Magnetic North, Kiernan are set for their next release. Both artists have been gaining national attention for their songcraft, charm, and stage presence. It'll be a chance to welcome them back home and get the first chance to enjoy their new music. Opening the show are Yellow Ostrich and Creeping Charlie. Tickets for AniXO and Kiernan at the Fine Line can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Regarde comme l'amour est beau, d'ici tout paraît haut. Et moi, je peine à te faire rire, je peine à te faire vivre. L'heure est aux avancées au divan, repars et tire à bout. Pourtant, choisis bien ton Roméo, avoue les rodéos. Mais toi, tu fais la guerre aux amoureux, tu tires la tête à ces messieurs. Ta mère est folle évidemment, ni que ni rien de sentiment. Tu as le droit à l'amour, aux ébats sans queue ni tête. L'heure est au décolle des indécents qui font les cauchemars des enfants. Regarde sous ton pareo, les frissons sur ta peau. Mais toi, j'ai beau te l'interdire, tu vois toujours le pire. Joue les petites gars impunément, déchire les cœurs de tes amants. Fais-leur voir ton numéro, réveille les animaux. Mais toi, tu fais la guerre aux amoureux, tu tires la tête à ces messieurs. Oh. Ta mère est folle évidemment, ni cœur ni rien de sentiment. mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances, c'est toujours Paris, mes projets, c'est continuer, mes amours, c'est inventer. Si maman, si. Si peu habile que demain, le bonheur passera peut-être sans que je sache le reconnaître. Si maman, si, si maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Voilà, voilà. Oui, it is 9:16 and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI and we just listened to three songs. Yes, so as Romain said, we listened to Albin de la Simone with Ta mère et moi, and then Pierre de Maher with Ta mère est folle, and France Gall with Si maman si. And tonight is a special Mother's Day because... Mother's Day was last Sunday in the U.S. and other countries too. In the past, I used to, I mean, I don't know if it's still the case, but like Belgium and Switzerland were lined up to the United States, where in France it's the last weekend of May. So May 25th is going to be Mother's Day in France. So we're celebrating kind of in between. So we listened to these three songs, and we're going to listen to three more. The first one is from Bilan Hassani with Papa Maman. You're pretty proud of the support his parents provided. And Pete Bacardi with Si loin de toi, So far from you. And Rolf with Mère seule. Très bien. Single mom. Oui. On y va? Eh bien, on y va. C'est parti. Papa, maman, je vous en veux pas. Je suis tout cassé, ne vous en faites pas. J'irai mieux demain, je vous le promets. Le médecin l'a dit, je vais plus pleurer. Vous m'avez tenu la main hier. Aujourd'hui, je fonce, mais je vois pas clair. J'aimerais redevenir enfant. C'était simple, pas comme maintenant. J'avais de l'espoir et de l'ambition. J'ai du mal à croire que je touche le fond. Je guette le miroir, il me terrifie. Il veut me faire voir ce que me réserve la vie. Si seulement je savais où ce chemin me mène. Je veux tendre la main, je veux que tu la prennes. Si demain c'est la fin, je dirais merci. En attendant, je vis. Papa,

Un mort de jeunesse, cœur criblé de balles. Une mère de famille seule, ça fait mal. Un enfant grandit comme un animal. La rue c'est la mort ou le tribunal. Ça fait mal, ça fait mal. Une mère de famille seule, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Un enfant grandit comme un animal. Amour de jeunesse, cœur criblé de balles. Un gosse va devoir grandir devant une pierre tombale. Guerre d'héritage, le cœur d'une grand-mère s'emballe. Inconsolable, endetté, les comptes pas solvables. Des bouches à nourrir, éduquées dans la zone. Entre une descente de keuf, une rafale au taxiphone. Sous fond de trafic de stup, clan, pierre au creux, terrain à récup, enfariné, ça tire devant les darons. Hommage à ces veuves meurtries jusqu'aux hormones. Qui n'abandonnent pas leur gosse, jamais elles marronnent. Tellement plus forte que l'ivrogne qui la cogne. Même quand elle prend plus soin d'elle, son sourire est une aumône. Amour de jeunesse, cœur criblé de balles. Une mère de famille seule, ça fait mal. Un enfant grandit comme un animal. La rue c'est la mort ou le tribunal. Ça fait mal, ça fait mal. Une mère de famille seule, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Un enfant grandit comme un animal. Elle se cache pour pleurer, elle souffre. Visage marqué d'insomnie. Dans sa chambre elle étouffe. Elle veut plus refaire sa vie. Ni tomber dans le coffre. Aucun ami de son mari l'aidera à sortir du gouffre. Elle trace tout droit quand il passe en RS3. Menacée de perdre son RSA. Relancée par Pôle emploi. RS là. Sous dépression, perfusion à l'hôpital. Elle préfère rester digne, valeureuse que faire du sale. Larguer les petits chez leur mamie à moitié nue dans les boîtes de nuit. Tapiner à leur douceur. Déshonorer sa famille. Sa vie est un choix que ne font pas les filles de joie. Comme celles qui préservent leur vie. Des pointeurs bourgeois. Hommage à ces veuves meurtries jusqu'aux hormones. Qui n'abandonnent pas leur gosse. Jamais elles marronnent. Tellement plus forte que l'ivrogne qui la cogne. Même quand elle prend plus soin d'elle, son sourire est une aumône. Amour de jeunesse, cœur criblé de balles. Une mère de famille seule, ça fait mal. Un enfant grandit comme un animal. La rue c'est la mort ou le tribunal. Ça fait mal, ça fait mal. Une mère de famille seule, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Un enfant grandit comme un animal. Le sommeil est froid et les larmes sont glacées. Se revoit dans ses bras, tous les deux enlacés. Plus de saison, plus d'avenir, elle est bloquée dans le passé. Parce que les souvenirs qu'elle ne cesse de ressasser. Le sommeil est froid et les larmes sont glacées. Elle se revoit dans ses bras, tous les deux enlacés. Plus de saison, plus d'avenir, elle est bloquée dans le passé. Presque les souvenirs qu'elle ne cesse de ressasser. Amour de jeunesse, cœur criblé de balles. Une mère de famille seule, ça fait mal. Un enfant grandit comme un animal. La rue c'est la mort ou le tribunal. Ça fait mal, ça fait mal. Une mère de famille seule, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Un enfant grandit comme un animal. Be a reggae day in May when the Wailers take the Dakota stage on Saturday, May 17th. The Wailers return to the Dakota for a 30th anniversary celebration of their 1995 seminal album, Natural Mystic, The Legend Lives On. They'll also be performing from their latest release, Evolution, a groundbreaking album that blends reggae with Latin and Caribbean influences to create a sound that honors their historic legacy and pushes the boundaries of the entire reggae genre into the future. Tickets for the Wailers can be found at the Dakota's website. Visit dakotacooks.com for more details. Et voilà, voilà. And we're back, 9:30 almost, and in 30 minutes, we'll be back in Jamboree. Yes. But until then, we're going to listen to some more music, and we just listened to three songs. Yes. So what were they, Freddy? Well, Bilal Hassani was the first song with Papa Maman. Then Pete Bacardi was singing Si Loin de Toi, So Far From You. And then Rolf was singing Mercel, or Single Mom. Oui. And now we're going to listen to more songs with Franck Michael, singing Pour Toutes les Mamans. Mm. Then Patrick Damy with Petite Maman, mm-hmm. or Little Mom. Il donne beaucoup de conseils, Damy. Damy, mm. yeah. Yeah, he's pretty friendly. Mm. And Patricia Lay, qui se couche pas mal, mm-hmm. With Petite Mère, oui. or Little Mom. Très bien. C'est parti. J'ai pensé aussi à vous, mesdames, pour toutes les mamans qui sont ici. Voici pour toutes les mamans du monde. Pour vous. Il faut chanter pour toutes les mamans du monde, elles qui nous ont donné bien plus que la vie. De nos premières à leurs dernières secondes, pour tant d'amour on peut leur dire merci. Il faut chanter pour toutes les mamans du monde, pour leur tendresse et leur générosité, pour tous les sacrifices qu'elles font dans l'ombre, parce que nos cœurs dans le leur a poussé. C'est un refrain pour vous, qui vous suivra toujours, partout, qui vous dira tout le temps: je pense à toi, maman. C'est un cadeau du cœur, pareil à un bouquet de fleurs, à un immense collier d'amour qui vous entoure. Il faut chanter pour toutes les mamans du monde, faire pour ensoleiller leur mémoire. Celles qui sont seules trouvent les soirées bien longues, on ferait bien d'aller souvent les voir. Il faut chanter pour toutes les mamans du monde, que ce refrain s'envole vers toutes les maisons, et puis qu'il fasse comme une immense ronde, pour que la terre pour de bon tourne rond. C'est un refrain pour vous, qui vous suivra toujours, partout, qui vous dira tout le temps: je pense à toi, maman. C'est un cadeau du cœur, pareil à un bouquet de fleurs, à un immense collier d'amour qui vous entoure. Oh, chantez pour toutes les mamans du monde, et qui nous ont donné bien plus que la vie. Dès leur première à leur dernière seconde, pour tant d'amour on peut leur dire merci. C'est un refrain pour vous, qui vous suivra toujours partout, qui vous dira tout le temps: je pense à toi, maman. C'est un cadeau du cœur, pareil à un bouquet de fleurs, à un immense collier d'amour qui vous entoure. Il faut chanter pour toutes les mamans du monde. Il faut chanter pour toutes les mamans du monde. Bravo! plus belle de toutes les mamans. Maman, maman, que c'est chaud le cœur de sa petite maman. Maman, maman, je suis sûr que tu fêteras tes 100 ans. Mamie, chérie, avec toi maman, que c'est beau la vie. Petite maman, pour toi je chante cette chanson. Je pense à toi, nos deux cœurs sont à l'unisson. Petite maman, tu savais t'y prendre et me comprendre. Tu es mon obsession, tu es ma vie, ma joie et ma raison. Maman, maman, je ne comprends pas pourquoi ce grand amour de toi pour moi était aussi grand. Quel bonheur chaque jour. Je t'aime, plus que tout au monde, tu es mon paradis. Je te le dis, tu es la plus belle, tu es la plus jolie. Petite maman, pour toi je chante cette chanson. Je pense à toi, nos deux cœurs sont à l'unisson. Petite maman, tu savais t'y prendre et me comprendre. Tu es mon obsession, tu es ma vie, ma joie et ma raison. Shoot! nuit, tu te perds, t'as pas le code. T'oses pas dire non, pleure, tu raccommodes. T'oses pas crier, pour partir en beauté. T'as dans le cœur un tango déglingué qui bat. Te cramponne pas, oublie de respirer. Envole-toi, prends le temps de rêver. Et tu verras qu'il y a des espaces. Ne devrais pas là, sois pas, tu t'effaces. Brings you Nigerian Afropop sensation Joeboy for the Rhythm and Vibes Tour live Saturday, May 31st. Joeboy's latest release, Viva La Vida, is a bold evolution in Joeboy's career, blending romance, independence, and sonic diversity into a deeply immersive Afropop experience. Emotionally honest, sonically mature, refreshingly next level, it's Afropop for adults. Tickets for Joeboy can be found at the Caboose website. Visit caboose.com for more details. Et voilà, we're back again, 9:43, 15, 16 minutes to go, yeah, until Black and Jamboree. Still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. Indeed. And still listening about songs of moms, yeah, about moms and mothers and all that kind. So we had three songs. One, the first one was by Franck Michael, and it's called Pour toutes les mamans, for all the moms. And it was live at the Palais des Sports in 2007. Mm-hmm. Palais des Sports is like a Port de Versailles, right? Yes, and they just changed their name. Now it's called Le Dôme. There's quite a few venues that either change their name or just new one. Mm-hmm. Like last time we went, I didn't go there, but I've seen the Adidas Arena. It's next to the Stade de France in Saint-Denis. Oh, I mean, really? It's by Port de la Chapelle, yeah. Yeah. And the one in La Défense, for example, I've never been. Yeah, La Défense Arena. That's the largest one, I think. Yeah. I mean, there's the Stade de France, but... Right. So... Then after Franck Michael, it was Patrick Damy with Petite Maman, My Little Mom, mm-hmm. and Patricia Lay with Petite Mère, My Little Mother. Mm-hmm. And we're going to keep on going until the end of the show at 10. I think these songs are pretty short, so we are probably going to be able to come back. We're going to listen to more classic songs. There's going to be Charles Trenet with Papa Pic et Maman Cou, about their job. Yeah. Patachou with Papa Maman, and it's featuring Georges Brassens. Mm-hmm. And Georges Brassens, by the way, was discovered at the Patachou cabaret. Oh, yeah. Patachou, she ran a cabaret back in the 50s, and then she was a singer and also an actress. And Patachou really means puffs, like cheese puffs and patachou. And the reason why that's her name is because her cabaret was in a location that used to be a bakery. Okay. And it was called La Patachou. Okay. And then she took actually that name for herself as well, and that's how she was known, Patachou. Yeah. Oh, c'est la patachou! C'est ça, yeah. And... in her cabaret, that's where Brassens was discovered and a few other ones. Good to know. Yeah. So, and then we're going to finish with Annie Cordy with Papa Mama Samba. Ah, très bien. On y va? On y va. C'est parti. Je suis né dans un village près du ciel plein d'oiseaux. Je suis l'enfant le plus sage de Padilles-les-Eaux. Mes parents sont culottiers, et la nuit et le jour, ils font leur triste métier, le cœur plein d'amour. Papa pique et maman cou, papa pique et maman cou, maman cou, maman cou, papa pique et maman cou. La nuit j'entends leur machine qui gémit au grenier, comme le vent chez la voisine, l'heure dans l'escalier. Parfois, au milieu d'un rêve, je m'éveille en sursaut. Je vois le jour qui se lève, tandis que là-haut, papa pique et maman cou, papa pique et maman cou, maman cou, maman cou, papa pique et maman cou. C'est le printemps et c'est ma fête, j'ai 15 ans, quel bonheur. Et les filles à bicyclette emportent mon cœur. J'en connais une très jolie qui s'appelle Louison. Je la vois sur la prairie, car à la maison. Et y a papa qui pique, y a maman qui coue. Et y a papa qui pique, y a maman qui coue. Et y a papa qui pique, y a maman qui coue. Et y a papa qui pique, y a maman qui coue. Par un clair matin de décembre, tous les deux on se mariait. Et le soir dans notre chambre, ma femme riait. Nous allions bientôt connaître le bonheur cette nuit. Quand soudain, à la fenêtre, on entend un bruit. Oh, papa pique et maman cou, papa pique et maman cou, maman, non, papa pique et maman cou. Depuis, j'ai perdu ma mère, elle est morte, doucement. Peu de temps après, mon père a suivi maman. Et Louison s'en est allé avec un vagabond, et dans la maison hantée chaque nuit, dit-on, papa pique maman cou, papa pique maman cou, maman. Je redeviens petit garçon, alors je suis sage en classe. Et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes jeux fous. Maman, maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire, entendre tes refrains charmants. Maman, papa, papa, en faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, papa, papa, papa. Maman, papa, faisant cette chanson, maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Mes parents, maman, papa, toujours je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer aux temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa. Papa, maman, en dansant la samba, les yeux fermés, dans un frisson, il m'a donné une leçon. Ça s'est fait comme ça, j'ai rien fait d'y penser, le cœur en fête. Ça s'est fait comme ça, jamais je n'oublierai ce moment-là. Papa, maman, j'étais si bien dans ses bras. Papa, maman, en dansant la samba. Quand il s'est approché, j'ai sifflé tout bas. Je voulais refuser, mais ne le pouvais pas. Avec un sourire, sans rien me dire, pour me séduire, il m'enlaça. Ça s'est fait comme ça, soudain contre lui j'ai perdu la tête. Ça s'est fait comme ça, pendant qu'il me tenait dans ses bras. Papa, maman, j'ai fait mon premier faux pas. Papa, maman, en dansant la samba, les yeux fermés, dans un frisson, il m'a donné une leçon. Ça s'est fait comme ça, je n'ai pas dit penser le cœur en tête. Ça s'est fait comme ça, jamais je n'oublierai ce moment-là. Et papa, maman, j'étais si bien dans ses bras. Papa, maman, en dansant la samba, je ne cherche à savoir ni comment ni pourquoi. Depuis ce fameux soir, j'ai tout donné de moi. Mais dès que je danse, tout recommence, car je repense à ce soir-là. Et ça se met comme ça, ah, soudain quand on est, j'ai perdu la tête. Ça se met comme ça, pendant qu'il me tenait entre ses bras. Et papa, maman, j'ai fait mon premier faux pas. Papa, maman, en dansant la samba, les yeux fermés. Il m'a donné une leçon. Ça se fait comme ça, j'ai rien fait d'y penser, le cœur en tête. Ça se fait comme ça, jamais je n'oublierai ce moment-là. Papa, maman, j'étais si bien dans ses bras. Papa, maman, en dansant la samba, en dansant la samba, en dansant la samba, en dansant la samba. Et voilà. Voilà, voilà, indeed. And we're back for the last time of the evening. Yes, and I think we're going to have like one more song, but we're going to say goodnight because we'll be back next week. Oui. And next week I have no plans so far, but I don't know. I know that in my head I want to do a playlist about, first, in April, we didn't do a playlist about Earth Day. So that's ecology true. And mm-hmm. stuff like that. I usually like to do that. And recently I thought maybe doing a playlist from the 80s would be fun. That would be good, yeah. So if you have some requests. Okay. I know that there are some that you like. Oh, yeah. I'm pretty sure début de soirée will be part of it. But, yes. Partenaire particulier. Too. Yeah. Uh-huh. So, yeah, probably some like that. And next week? Well, whenever. Okay. I mean, we can do it. I don't have any specifics. So, yeah, that can be next week. That can be the week after. Okay. Whenever you're ready. Okay, sounds good. And we're going to leave you with one more song, Cyril Aimé. with... Did you back announce? I thought I did. No, I did not. We listened to Charles Trenet with Papa Pic et Maman Cou. Mm-hmm. Then Patachou with Papa Maman. And then Annie Cordy with Papa Mama Samba. Très bien. And yeah, before we leave, we're going to listen to Si tu vois ma mère, which is from Sidney Bechet, but that's going to be from Cyril Aimé. Ah oui, très bien. With the lyrics. So, OK. On y va. Eh bien, bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. This next one is a tune by Sidney Bechet. And it's called Si tu vois ma mère. It means If you see my mother. And then the rest is up to your imagination. Quand je pense à toi, aussitôt je vois, je ne sais pourquoi, le balcon fleuri d'où tu m'as souri. Quand je suis partie, souviens-toi. Depuis ce temps, je voyage et sur toutes les routes, à tout jamais, ton doux visage qu'un rêve effleure demeure. Car le temps qui fuit au son de l'oubli passera sans bruit, sans rien effacer. Maman, tu le sais, rien ne peut briser le passé. Je me souviendrai de tes yeux jusqu'à mon dernier jour, maman.